ce mardi à l'émission Assemblage requis. On reçoit... Ouais, finalement, on a vraiment rien. Hein? Ben, c'est pas grave, soyez quand même là à 15h, on va sûrement trouver quelque chose à se dire. Permets-moi d'en douter.